Yeah, yeah. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et dans ça dans le hall. On n'est pas tombé pour un bout de ch't. Dans l'escalier, t'entends ch't. On fait de la performance, on est pas ch't. T'es avec Dinero, on revient mettre du ch't. Sur une grosse bécane, l'avant-bras à carabat. Y'a besoin de maille, tu sors où t'es au mic. J'suis plutôt mélomane, pas pour vous mesdames. J'ai beaucoup à perdre, beaucoup moins d'amis, beaucoup plus de peine. Son blanc et mes valets, si la city gagne. J'ai fait que de prier pour m'en sortir. J'ai fait que de marcher dans les orties. Quand t'as pas ce que tu veux, le cerveau, vas-y. C'est pas ton gars, si devant les blèmes, il dit vas-y seul. Ça vient d'opère, ça vient des sous-sols. Que des courses poursuites quand t'as un peu de sun. J'suis sur ta tamis, j'vais faire un peu de sol. Et j'écris un peu quand j'me sens un peu seul. Mes blessures n'ont toujours pas guéri. J'suis dans le bolide ou dans le hall, dans les coins pressons où ça sert les colis. Visière, t'as des jupes, pas dans la commis. J'suis dans le pec, c'est poney, roule la conne. Arse pas de kilo, produit et mûr comme le pétard à kilo. Fonce des, j'ramène pillage au télo. Yankli dans tel, le gros fuck l'intérim. T'es mort dans le film, y'a ta peu frais en série. J'suis serein, y'a Redoumbé et Mob Deep. J'suis dans le bolide, t'es fils des modèles. Tout dit et des terres, c'est comme ça que l'on opère. C'est Rémi Dinero, c'est la rue, c'est Aubert. J'ai peu sur le côté droit. Tu diras ça au Beretta, oh là là. Ça va être une sale année. Le Santor a mal au nez, oh là là. Biscuit, BST et la Batman. Les petits sur le rentré dans le bâtiment. Quand au bout et tu dégages, tu n'es pas chez moi. Je fais gagner le match dans les montagnes. J'suis dans le vol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le vol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. Yo. Se ressasser le passé, j't'ai vu courir quand la bécane est passée. Maman m'a dit fils, ton cœur est cassé. Éternel démon qui suffit de chasser. Ouais, la vie, tu n'en as qu'une des thunes. Y'en a plein, mais souvent y'en a pas. Y'en a grave dans ton joint, j'en ai grave dans ma tête. Je sais faire la plata à mes frères au placard, à l'écart. Ceux qui remontent en bas avec la foudre. Va falloir que je vois si t'es cap d'assumer de faire la guerre pour le four. C'est la street, ça rigole pas. Y'a que les bourrés qui se chamaillent. C'est ta voisine, c'est le capite en face de chez toi que j'ai dû baiser toute la night. Mec à salope, ouais ouais. Lève de bacon, ouais ouais. Descends de keuf, ouais ouais. Non mais on l'aime, ouais ouais. Tu veux la paix, ton pire ouais. Millionnaire dans les taux. T'as cherché de plot en dire. Et de kill de bombé. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et tout ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. J'suis dans le bol et dans ça dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel, yo.